Auditeur, auditrice, fidèle ou infidèle, tu viens de mettre les pieds dans un univers parallèle, celui de Zikactu, le magazine d'actualité musicale de la radio des Boutières. Mais ce soir, prends garde à toi, car tu pénètres dans une zone marécageuse, où chaque piste te comblera d'effroi, où chaque note te tirera l'épine dorsale à t'en faire hérisser les poils. Ce soir, c'est l'émission spéciale Halloween, tu l'auras deviné. Une émission maudite, forcément. Après avoir poussé la porte du manoir de la radio, j'ai pénétré dans un monde étrangement silencieux. Pas la moindre note, pas le moindre bruit. La diffusion est HS. Cette émission n'est qu'une rediffusion, et je ne suis même pas sûr d'être encore vivant à l'heure où vous entendez ces mots. En effet, toutes les gouttes de pluie du trimestre ont décidé de se donner rendez-vous aujourd'hui, provoquant l'irréparable. Mais alors que l'Hérieux menace de quitter son lit et d'inonder le manoir à partir duquel je vous parle, alors que l'électricité vacille et menace toute forme de programme radiophonique, je déclare cette 11e émission ouverte, l'émission maudite de Zikactu. C'était le thème de Beetlejuice et on continue avec Good Charlotte, A New Beginning. C'était donc Good Charlotte avec l'ouverture de leur album The Young and the Hopeless. Une ouverture moi qui m'avait énormément marqué, qui avait fait que j'avais acheté cet album, qui est en fait un album assez standard de punk californien. Mais la promesse d'un punk symphonique qui m'avait vraiment fait rêver avec ce mélange entre Danny Elfman et ses rythmiques punk très rapides. Et en fait, voilà, Good Charlotte, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord sur la page Facebook de l'émission Zikactu RDB. Mais pour moi, c'est un groupe assez standard de punk rock californien, auquel je préfère notamment les Sum 41 et Blink 182. On continue avec un autre américain, Marilyn Manson, pour une version de This is Halloween de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. La thématique est posée, c'est Halloween, on a quelques jours de retard, surtout parce que c'est une rediffusion, mais en tous les cas on y est toujours, on y est bien. Avec Marilyn Manson sur un thème original de Danny Elfman qui a été pendant longtemps le compositeur attitré de Tim Burton qui a réalisé donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, mais aussi Les Noces Funèbres, Sleepy Hollow ou... je sais plus, plein de films super bien d'ailleurs, Big Fish, ouais, il y en a tellement d'autres. Des très bons films. Et donc, cette reprise de Marilyn Manson est sortie sur un album que j'ai découvert en préparant cette émission qui s'appelle Nightmare Revisited et qui est en fait toute la BO de la bande originale de L'étrange Noël de Monsieur Jack avec reprise par des groupes tous assez différents finalement. On a Rodrigo Gabriela, on a RJD2, on a Marilyn Manson, mais aussi Korn. Écoutez ça, c'est incroyable. Je vous conseille d'aller écouter cet album. C'est vraiment des reprises super bien faites de morceaux qui sont déjà super bons. Mais pour se repencher dans l'univers de Danny Elfman et de Tim Burton, je vous propose d'écouter l'original de Bienvenue à Halloween, cette fois en français, ce qui nous permettra de passer de la langue de Justin Bieber à la langue de Christophe May. C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît, au cœur d'un univers dont les enfants rêvaient. Et un jour arriva cette étrange aventure dans le monde des fêtes, présentes et futures. Vous êtes-vous demandé d'où provenaient les fêtes? Non? Alors suivez-moi, voici l'entrée secrète. Magnifique cité, voici Halloween, voici Halloween, et c'est le soir, mettant mes yeux brillent dans le noir. Moi, je me cache sous votre escalier, doigts de serpent et cheveux d'araignée. C'est ça, chanter les chauves souris. On plaisante, on fait des bêtises, on ne sait pas quelle sera la prochaine surprise. Au coin de la rue, il y a des inconnus qui surgissent des poubelles pour trouver terre. C'est ça, le wind, rouge et noir. Gélatine. Quelle horreur! C'est un enfer! Par le feu, par la glace, il faut jouer à pile ou face et s'envoler à tambour ouvert. C'est la ville du crime, c'est la ville du crime. Avant de disparaître dans un flash. Je suis le fort, je suis le fort, glace le sang. Moi je me glisse comme une ombre noire et je transforme vos rêves en cauchemars. Tout le monde attend la prochaine surprise. Si j'attends ce que l'aime sans bonbons ni trompettes, si je chine à votre dos, vous ne ferez pas des liaisons. C'est ça Halloween, c'est la vie du crime. Bienvenue à l'épouvantable épouvantail. Bravo Jack, c'est la tarpe, c'est un bon nouveau roi. Y'a la garçon et le roi, mais c'est cool, c'est ça. Halloween, c'est ça Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween. C'est la ville de la nuit, les étrons chantent et les chauves-souris. On continue avec Maccabée et le Zombie Orchestra. La fabrique des monstres, on reste dans la thématique. Quand tu nais, on te pète un bras, une jambe en deux secondes, c'est un bienvenu dans ce monde. Tico. La sage-femme vraiment bourrée et au mieux te fait tomber et glisse sur ton placenta. Bé-fla-bada. Nos couveuses sont en acier, bien blindées et en plus avec du grillage soudé dessus. Eh ouais. Et dans le berceau, on te met des lames de rasoir, des bouts de verre et on referme les meurtrières. Allez, bonne nuit. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, du temps du tout mal foutu. Chez nous on fabrique du monstre à l'ancienne, des vilains comme on n'en fait plus. Chez nous on fabrique du monstre à l'ancienne, du temps du tout mal foutu. Chez nous on fabrique du monstre à l'ancienne, des vilains comme on n'en fait plus. Après débute rapidement la formation, claque dans la gueule, coup de pied dans le fion. Hey, ouais. Qui enchaîne avec un bon cours de PS. Dans la forêt, les loups aux fesses. Allez, jogging. À la cantine, on sert des plats au cyanure, au vitriol et au bromure. Hey, ouais. Et si dans l'année, on a un survivant, eh ben hop, c'est lui d'office le gagnant. Et puis c'est chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, du temps du tout mal foutu. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, des vilains comme on n'en fait plus. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, du temps du tout mal foutu. Chez nous, on fabrique du monstre à l'ancienne, des vilains comme on n'en fait plus. Après un parcours de 10 ans dans notre établissement, nos produits sont enfin prêts, vendus sur le marché. Pour faire des films d'horreur, séries Z et des slashers, avec tout plein d'ados qui meurent. Au petit bout dans la forêt. On en vend aussi aux boîtes d'édition, pour des histoires qui foutent les jetons. Aux petits gosses des richetons. Y'en a même un oui mais une fois seulement. Un petit monstre. Un qui est devenu président. On balance un corps et puis c'est tout. Chez nous on fabrique du monstre à l'ancienne, du temps du tout mal foutu. Chez nous on fabrique du monstre à l'ancienne, des vilains comme on n'en fait plus. Chez nous on fabrique du monstre à l'ancienne, du tordu tout mal foutu. Chez nous on fabrique du monstre. Enfants sont vraiment mal éduqués. On fait 2 semaines de stage l'été. Inscrivez-les quand ils seront revenus, promis, vous ne les reconnaîtrez plus. Un petit bout dans la forêt. Voilà comment on fabrique les monstres. Il y en a même un qui est devenu président pendant 5 ans et puis c'est tout. C'était donc Maccabée et le Zombie Orchestra sur l'album Mazo, que je vous conseille vivement, dont on a déjà parlé. On reste dans les bons groupes français qui chantent en français avec Mickey 3D. Je vous signale au passage que c'est la même production en fait. Maccabée et le Zombie Orchestra ont enregistré au studio E, tout près de Saint-Étienne. Et c'est le studio à l'origine qui était attitré à Mickey 3D, un groupe dont on n'entend plus vraiment parler parce que le Mickey a fait pas mal de trucs en solo. Et ce morceau date un peu, là on va voir que la production n'est pas la même, mais c'est une autre façon de parler de peur et de monstres. Et c'est, cette fois c'est des monstres médiatiques. C'est Mickey 3D avec La France a peur. J'allume ma télé, je vois un petit gars bien sapé. Il me dit que ça craint, que dehors, faut pas y aller. Que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité, alors je dois rester chez moi. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Bon bah je me dis qu'il fait froid, qu'il a peut-être raison. Il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. La France a peur, tous les soirs à 20h, la police vous parle. Le soir au 20h, la France a peur. Tous les soirs au 20h, la police vous parle. Et confiance. Tous les soirs au 20h. Et confiance. Bonsoir, à bientôt. le CFPPDS devra raconter des histoires molles. Alors vous voyez au Soudan, il y a eu 2660 millions de morts. Non, on n'a rien à branler du Soudan, parce que tu vois, il y a Sherman, elle s'est coupé le doigt, et ça fait vachement mal de se couper le doigt. Et à Marseille, il fait des chaussures en bois, je vais se manchonner les chaussures en bois. Alors tu vois, les mecs, ils sont super loin, on n'a rien à branler. Mais alors rien du tout, parce que c'est super bon les chaussures en bois. Alors on n'a rien à foutre. C'était Mickey 3D avec La France a peur et un extrait de leur album Mystique et Torture qui est vraiment leur premier album si c'est pas le premier. Et oui, finalement à 20h, vous avez le choix entre le JT et Zikactu, un mardi soir sur deux. Je vous le rappelle, c'est le premier et le troisième mardi du mois. Et ce soir, vous êtes sur l'émission spéciale Halloween, qui est finalement assez éloignée du jour d'Halloween car j'ai eu un affreux problème de diffusion. La radio a eu un affreux problème de diffusion qui nous empêche de diffuser cette émission à temps, mais ce qui n'empêche pas que voilà, ça prolonge la fête d'Halloween. Et revenons donc à nos monstres. Les monstres, il y en a qui les aiment. C'est par exemple le cas de Stupéflip. Stupéflip, les monstres. Les monstres. Les monstres. Non. Pourquoi t'aimes pas? Parce que ça me fait trop peur. Pourquoi ça te fait peur? Parce que parfois il peut y avoir ceux qui sont sales. Très sales. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais plein les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les bestioles bizarres dans des cauchemars. Les monstres. Les trucs verts avec des poils ou les petits rampants. Les machins pas cool avec les bras tout gluants. Les trucs sans forme qui se transforment. Un bonhomme avec un corps tout difforme. Des araignées grosses, poilues, toute ma stock. Avec des mandibules faites pour bouffer un steak. Des gros trucs qui avancent qu'on sait pas ce que c'est. Tout noir avec des pinces et c'est là pour étouffer. Des ghouls qu'on la gale avec des sales gueules. Des momies toutes molles avec des têtes de mongoles. Des bidules qui suintent, marronnasses terrifiants. Des trucs qui pourrissent de partout, pétrifiants. Des grosses bêtes, des choses pas sympas. Des gros trucs cracra qui traînent grouille et qu'on les croue. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Aujourd'hui encore, j'aime bien les monstres. Les trucs étranges, oranges et qui dérangent. Les monstres, les morts vivants, les squelettes, les fantômes. Les trucs mal faits comme à la foire du trône. Le train fantôme, super flippant, mieux qu'alien. Un barba papa avec des poils de hyène. Les trucs qui se collent et qui te bouffent à l'intérieur. Des sangsues qui t'attaquent au cœur parce que c'est meilleur. Une grosse migale avec une tête de poule. Qui te fout la chair de poule quand elle tombe sur l'épaule. Les trucs genre me pète chaud. Des créatures dingues qui font perdre les pédales. Des trucs bizarres, tu sais pas où qu'elle est la tête. Des bébêtes sanguinolentes, molles comme une omelette. Des machins qui se traînent, mi chenille, mi humain. Des trucs pas câlins qui ont toujours super faim. Bref, les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les monstres. On continue avec Erwan, le chanteur de Java, cette fois en solo, pour son troisième album Peau Rouge qui est sorti l'année dernière. C'est Maudit Sort. C'est le boléro des cochons, la danse des haloufs qui couinent, qui mentent, qui suintent, qui boffrent et qui biaisent, qui vont à demi-mot prôner le sacrifice, mais restent bien au chaud en feintant, en trichant, en arrivant les braises. J'ai ta jolie poupée, regarde cette aiguille que je vais te planter. Ça, c'est une émission qui fait peur. Vous êtes toujours sur la radio des Boutières et vous écoutez Zik Actu, la spéciale Halloween. C'était donc Erwan, le chanteur du groupe Java, qui a fait trois albums solo vraiment exceptionnels, particulièrement les deux Radio Cortex, mais celui-là est très bien aussi, il s'appelle Peau Rouge. Et donc les trois albums de Java, je vous les conseille aussi, vraiment c'est un excellent rappeur. On continue avec du rap, cette fois beaucoup plus alternatif, Grems. Avec le morceau Zombie, extrait de l'album Vampire. Tu t'es fait lâcher par ta meuf, c'est pas la teuf. Tu pètes un plomb, tu craques Benenès. Tu sers plus à rien, tu pleures, tu fais des hugs. Maintenant t'es un zombie, même si avant t'étais des thugs. T'as plus de cerveau, bah non, ça c'est des preuves. C'est des preuves parfaites pour déposer des fleurs. T'inquiète, y'aura du monde pour épouser les veuves. Race vénéneuse, antidépresseur. Zombie, j'ai attrapé la bactérie, le vague récit d'un schlag qui se bat contre la caféine. Black resin, mon sommeil c'est la Palestine, les maléfices, les drames, les âmes perdues et leur magnétisme. Zombie, pour un charclo on donne pas d'yébi. Pour un macho t'as dit mal stérile, ça me fait rire, pas crédible, on te fait pas crédit. T'es dans le marketing, on taille aigri, on veut pas de ça chez nous, doit-on te rafraîchir. J'ai beau essayer l'athlétisme, la faille tous les fat lady, j'arrive pas, j'aime plus ça, je crache dans mes spaghettis. J'apprécie pas cette vie agressive, j'avertis, je suis allergique à ces types, à leur stratégie maléfique. Zombies, on vit dans un environnement barésie. Trou dans la couche d'ozone, résolution par Vélib. Anxiolytique, cocodéine ou aspégique, les addictifs sont partout, disponibles en paquet 10. Tu t'es fait lâcher par ta meuf, c'est pas la teuf. Tu pètes un plomb, tu craques Benenès. Tu sers plus à rien, tu pleures, tu fais des hugs. Maintenant t'es un zombie, même si avant t'étais des thugs. T'as plus de cerveau, bah non, ça c'est des preuves. C'est des preuves parfaites pour déposer des fleurs. T'inquiète, y'aura du monde pour épouser les veuves. Race vénéneuse, antidépresseur. C'était Zombie de Grumps. On aura évité le zombie des Cranberries ou le zombie de Maître Gims, mais pas celui de Grumps. C'est une définition du zombie, mais il y en a d'autres. Il y en a plein de définitions du zombie. Il y a aussi la définition du mort-vivant, finalement, c'est la même chose. Et on passe donc au morceau mort-vivant de Space Funk. C'est l'instant copain. C'est un groupe d'amis, donc Space Funk, avec notamment Youssef à la guitare, que je salue, je sais qu'il nous écoutera. Et qui s'écoutera aussi. Et donc voilà, Space Funk, un super groupe de... Alors comment définir? De, bah moi je dirais hip-hop, parce qu'on a du chant hip-hop, mais aussi un côté funk, funky, et un côté rock. Voilà, un peu à la croisée entre Rage Against the Machine, et puis... Et puis quoi d'autre? Bah, je vous laisserai finir cette phrase, tiens. On écoute, à l'écoute de ce morceau, ça sera à vous de définir. On écoute Space Funk, et un groupe donc que je vous conseille évidemment, que vous pouvez retrouver et suivre sur internet sur leur site officiel www.spacefunk.com. C'est Mort Vivant. En exclusivité sur RDB. C'est un morceau que vous entendrez nulle part ailleurs, c'est pour ça qu'on le recommence. Je me suis levé ce matin, j'ai ressenti un truc bizarre, je me sentais plus moi-même. Mais qu'est-ce que c'est que cet art? Premier truc de la journée, je me dirige vers mon armoire. Les seuls fringues que j'ai trouvés, c'était cravate et costard. Quelle élégance aujourd'hui, me dit mon miroir. Déjà hier soir, étrangement, je voulais pas me coucher trop tard. La radio dit que la loi l'opsi 2 est passée, mais je m'en carre. Je me fais une raie sur le côté, je m'attelerai, je pars. Direction, quartier et des affaires pour retrouver mon bureau. Une fois dans les bouchons, je me rappelle. En fait, j'ai pas de boulot. Malgré ce fait avéré dans ma caisse, je me sens bien. Nos chambres sont abaissées en entendant à la radio Roselyne Bachelot. Après ces belles paroles, je change de station RTL. Je trouve que c'est vachement bien Michel Sardou sur Chéri FM. Et je me suis fendu la poire en mettant rire et chanson. Ils ont mis Laurent Girard faisant ses imitations. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est un mort-vivant. Plus trop planifié de tête. C'est un mort-vivant. Si je sens ton cogiter. C'est c'était Space Funk en direct sur RDB. Vous écoutez toujours Zik Actu et on découvre des groupes comme Space Funk. Voilà, un groupe que vous entendrez a priori pour l'instant nulle part ailleurs, mais ça ne serait tardé. On continue notre exploration des morceaux qui font peur avec cette fois une petite nuance, avec on va dire un petit peu de recul sur tout ça, sur la vie, la mort, la résurrection, avec le groupe Eiffel. C'est un extrait de leur premier album qui s'appelle Abricotine et c'est un texte de Boris Vian. Et c'est « Je voudrais pas crever ». Donc Eiffel, c'est un très bel album, cet album Abricotine. C'était avant qu'il fasse vraiment du rock français. Il faisait autre chose, en fait. Et c'était ça qui me plaisait. Les albums rock français d'Eiffel qui ont suivi sont très bons aussi. Mais là, là aussi, c'est difficile de mettre ce groupe dans une catégorie, en tous les cas pour cet album-là. « Je voudrais pas crever », un texte de Boris Vian. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver. Les singes à queue nue, dévoreurs de tropiques. Les araignées d'argent au nid truffé de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu. Si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins tout bizarres, je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies que l'on attrape là-bas. Non, je voudrais pas crever, madame. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. C'est un texte de Boris Vian, donc, mis en musique par Eiffel. Et voilà, c'est peut-être ça la question, en fait. Halloween, les monstres, les zombies et les sorcières, tout ça, ça fait peur, ça nous fait penser à la mort. Et qu'est-ce qu'on voudrait faire avant tout ça? Qu'est-ce qu'on voudrait faire avant de crever? Ben voilà la liste de Boris Vian par Eiffel. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Alors là, la réponse nous viendra de Coco Rosy dans l'album Tales of a Grass Widow. C'est le morceau qui ouvre l'album qui s'appelle After the Afterlife, après l'après-vie. Like snow, moth wings crumble by a daylit fire, ash of deadwood pile higher, pyre for fox starts blazing. After the Afterlife. Désolé pour le petit bug au milieu, je pense qu'un vilain fantôme a pris possession de cet ordinateur. Et on continue cette fois avec un groupe belge qui s'appelle Vénus, un groupe que j'apprécie énormément, que j'ai pas encore eu l'occasion de passer parce que la thématique ne s'y prêtait pas. Surtout, leur premier album qui s'appelle Welcome to the Modern Dance Hall. On écoute le 11e titre qui s'appelle Monster. On est complètement dans la thématique et donc c'est l'occasion ou jamais de passer Vénus. In my brain. C'était Monster de Vénus, un groupe que vous devez sûrement connaître avec le titre Beautiful Days qu'on entend. And it's a beautiful days. Oh là, si je commence à chanter les morceaux, cette émission part à volo. En même temps, c'est l'émission Halloween, alors bon. Mais Beautiful Days n'a rien à voir avec la thématique, donc je vous ai pas fait l'affront de vous le passer. De toute façon, c'est un titre que vous connaissez déjà et c'est pas le concept de l'émission. Le concept de l'émission, c'est de vous passer des titres que vous connaissez pas forcément. Cependant, il fallait quand même que je vous passe un grand classique et bon, alors un Thriller de Michael Jackson, évidemment que ça aurait été sympathique, mais non, mon choix s'est porté sur Screaming Jay Hawkins. Alors ce nom vous dit peut-être pas grand chose, mais le titre, je suis sûr que vous le connaissez, c'est I Put a Spell on You. Et vraiment, ce type, Screaming Jay Hawkins, est assez incroyable. Il est complètement fou, donc là on est vraiment dans la thématique, enfin complètement fou, en tous les cas c'est ce qu'il donne à voir sur scène, et particulièrement sur ce morceau, c'est aussi ce qu'il donne à entendre. I Put a Spell on You, Screaming Jay Hawkins. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Screaming Jay Hawkins, et cette émission n'est vraiment pas comme les autres. Déjà, j'ai passé 13 titres, donc c'est l'émission spéciale Halloween, jusque-là tout va bien. Mais pour la première fois, on a encore un peu de temps. D'habitude, j'ai toujours plein d'autres morceaux à vous passer, j'ai pas le temps de tous les passer, mais là, on a un peu de temps. Du coup, je vous propose de découvrir Jardin Mécanique, un groupe québécois complètement barré, qui vient de sortir son deuxième album, qui s'appelle La Sinistre Histoire du Théâtre Tintamarre. Deuxième partie, et le titre qu'on écoute s'appelle Les coiffeurs de cerveau. Bon courage. Chercher le charbon dans les chaudières, monter la pression, lancer la vapeur. Régler les cadrans dans les portières, miner les chaînes, activer les moteurs. On ouvre le crâne pour voir la cervelle de ce porc qui est fort. Avocat du diable, prépare-toi à subir le pire des miracles. Le tapis roulant ou les courtes décisions dans le cortex de ce président bidon. Abolition de toutes les formes possibles et impossibles. Interrogation. quelques gouttes de fluor pour s'assurer que la volonté se déteint. C'est tout un art de faire des moutons et des rapides pas. Le tapis roulant pour les répétitions, des suggestions qui induisent la soumission. Télévision pour bien saboter le cerveau en question. Sans aucun soupçon, plus de charbon dans les chantiers. Fermez la pression, stoppez la vapeur. Laissez les cadres dans les portières, laissez les chaînes éteignez les moteurs. Regardez s'épuiser les panthères, gardez-les croire aux fruits de leur labeur. Regardez travailler ces bourriers et mettre dans leur tour de suivre dans les heures. Je sais pas vous, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un truc aussi barré que ça. Ça s'appelle donc Jardin Mécanique et c'est épuisant. Je vous conseille d'écouter un album, c'est du sport et vraiment c'est perturbant, épuisant et à la fois grandiose et terrifiant. Ouh, vous entendez cette petite musique finalement, c'est le retour à la normale. Cette émission spéciale Halloween touche à sa fin et finalement ce n'était qu'un mauvais cauchemar. Voilà, tout ça est terminé. Et certes, c'est une rediffusion, mais a priori, je suis toujours vivant. Le local du manoir de RDB est toujours en état, pas inondé. Je suis toujours seul en tous les cas, mais bon, a priori, le monde continue à vivre en dehors et les inondations n'ont pas eu raison de l'Ardèche. Je vous remercie pour votre attention, pour avoir téléchargé ce podcast, pour avoir écouté cette émission. Et je vous fais un petit récapitulatif. C'était donc un spécial Halloween. On a écouté le thème de Beetlejuice. On s'est intéressé à Danny Elfman, notamment en collaboration avec Good Charlotte, Marilyn Manson ou tout simplement dans la bande originale du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. On a écouté aussi Maccabée, un super groupe français, Maccabée et le Zombie Orchestra, pour après faire un bond dans le temps avec Mickey 3D. On est revenu, on a fait un petit passage hip-hop avec Stupéflip, Les Monstres, Erwan, Maudissor et Grems Zombie. Et Space Funk, un groupe stéphanois que je vous conseille avec le titre Mort Vivant. Et un petit passage poétique avec Eiffel et une mise en musique de Boris Vian, Je voudrais pas crever. Pour ensuite partir du côté anglais avec Coco Rosie, Venus et Screaming Jay Hawkins. Pour finir avec un petit imprévu assez incroyable, Jardin Mécanique. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine peut-être. Parce que je ne sais pas quand cette émission sera diffusée. En tous les cas, Zik Cactus, c'est le premier et le troisième mardi du mois. Je vous souhaite d'écouter de la belle musique et de passer une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.